Alors, Pierre Dubois, elphicologue reconnu, travaille avec vous, qui n'hésitez pas à jouer avec les mythes, n'est-ce pas paradoxal? Non, il nous a fait un bel hommage là-dessus hier. On en a parlé avec une autre radio, c'est qu'effectivement, apparemment, on aurait la même vision du fantastique et de la féerie. Il a parlé des monstres de Karine, il a parlé des dragons, de ma manière de travailler les dragons. Et même si moi, quand j'imagine un mythe fantastique où je vais créer Outre-Songe pour les maudits, je m'inspire malgré tout de la féerie du révérend Kirk qui disparaît, qui revient jamais Alors, c'est lui en qui t'a féerie. dit qu'il fallait que tu le lises. J'ai Et réussi tu à l'as acquérir retrouvé. le fameux livre du révérend Kirk qui est très facile et qui est très court sur. Alors, je sais plus le titre parce qu'il est très long, c'est un livre à rallonge du 19e, mais j'ai retrouvé une édition du révérend Kirk pour découvrir que ce qu'il avait écrit était quand même assez fascinant. Ce n'est pas la première fois que vous êtes aux Utopiales, même si la dernière fois, c'était par la pensée. Cette fois, les livres sont bien arrivés. Oui, ils sont tous là. La faute a été corrigée. Le festival est parfait. Et même notre libraire qui avait malheureusement commis cette erreur par erreur, c'est vraiment bien rattrapé. On la remercie en fait. Quand je lis l'épouvantable encyclopédie des fantômes, je ne peux m'empêcher de penser à un autre collecteur d'histoire, Édouard Brazet. On s'est croisé avec Édouard, mais on n'a jamais vraiment eu le temps d'échanger. Donc, mais je sais que Édouard et Pierre se connaissent très bien. Ils ont deux manières d'aborder le collectage, mais c'est vrai qu'on peut faire un rapprochement en fait. Quand on connaît votre production, en résumé, on sait que vous travaillez en duo et que l'un apporte de l'aide à l'autre, et vice-versa. Dans le cas de Pierre Dubois, comment se passe le travail? N'est-il pas intarissable? N'est-il pas difficile d'utiliser telle ou telle image, tel ou tel texte? Si au départ c'est vrai que c'était difficile parce que d'habitude c'est vrai que c'est nos histoires en fait, donc finalement on a peut-être une image qui flotte déjà quand on a l'idée de l'histoire qu'on va raconter. Et là quand on a reçu tous les textes, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va illustrer au départ? Tout est bien. Tout est bien. Et du coup on a réfléchi longuement et on s'est dit que le mieux pour ne pas bloquer les mots, aussi laisser les mots de Pierre et que nous on fasse un accompagnement, c'était de créer sur les fantômes en fait des portraits un peu surréalistes en fait qui par moments ne sont pas du tout forcément la représentation réelle. Par exemple pour la veuve Scrimps, elle est plutôt ronde, potelée, pulpeuse. Et nous on a fait plutôt un personnage évanescent qui a le même caractère mais qui n'est pas exactement pareil anatomiquement. Et ça a beaucoup plu à Pierre en fait, parce que même si c'était pas la représentation exacte de ce qu'il écrivait, ça correspondait à l'émotion et la sensation qu'il en avait. Donc on n'a pas fait un travail, on a reçu un texte et on a illustré ce texte. L'ouvrage s'est monté en même temps que Pierre écrivait, différents échanges téléphoniques. Nous, on travaillait sur les images, on montait la maquette, on avait une idée très précise de la maquette victorienne qu'on voulait. On voulait respecter des codes du 19e tout en les modernisant parce qu'on a gardé les grosses marges, mais on a fait d'autres choses à l'intérieur. Et du coup, le livre s'est fait plutôt tout seul, on va dire. C'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'il s'est fait assez vite. On a démarré le projet en novembre 2011, puisque là on est en 2012, et il s'est terminé. Pierre a terminé son écriture en mars. Savoir que normalement il ne devait faire que 150 pages globales, mais Pierre a écrit 150 pages d'écriture, donc il a fait 216 pages, et qu'au lieu de faire un seul livre, ce qui s'est produit, c'est que Pierre a beaucoup de choses à raconter sur le sujet, et on a décidé avec l'éditeur de le couper en deux, parce que sinon ça commençait à ressembler à une Bible. Donc on va travailler sur le tome 2, la deuxième partie sur les fantômes, c'est-à-dire que là il a abordé les fantômes et le premier état après la mort, et après on va passer au revenant au spectre, ça fera un petit peu plus peur.